بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فكم مرة إخوة الإسلام نسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يشمل القرآن ومعاني القرآن والعلم الذي يحتوي عليه القرآن. وبما أن القرآن هو أصدق الكلام وهو كلام رب العزة سبحانه وتعالى، فالواجب علينا أن نعتني به اعتناء خاصا، قراءة وتدبرا وتطبيقا، لكي نحظى بفضائله. سبحان الله سبحانه وتعالى دون جاء الله سبحانه وتعالى كي نزاقي دي بغ سلوى سبحان الله سبحانه وتعالى ونو بغي با ادقي دي بغ سلسي سبحان الله سبحانه وتعالى combien de fois on entend la parole de notre messager qui dit dans khutbat al-haja, dans le discours d'introduction: la meilleure des paroles est celle d'Allah, et la meilleure voix est la voix du messager alayhi salatu wa salam. Et notre messager disait aussi, a dit sallallahu alayhi wa sallam: les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui ont appris le Coran, le mettent en application et l'enseignent. Cela englobe le texte, la signification du texte, la mise en application du texte et la science que contient le Coran. Et ceux qui parmi vous ont la responsabilité et ont mémorisé le Coran et ont la responsabilité de l'apprendre aux nouvelles générations, il faut que vous rendiez compte du grand bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé. C'est un bienfait énorme d'avoir dans sa poitrine la parole d'Allah, de la comprendre, de la méditer et de la mettre en application, de l'enseigner à une autre génération, à d'autres générations, de leur enseigner le Coran, de leur enseigner la signification du Coran, de leur enseigner la mise en application de ce que contient ce Coran. Et ça, il n'y a pas meilleur que celui qui agit ainsi et qui a cette fonction. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit: les meilleurs ce sont les rois, ni les meilleurs ce sont les présidents, ni les meilleurs ce sont les milliardaires, abadan. Mais il a dit: les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui ont appris le Coran et qui l'enseignent. Hein? Donc il faut se rendre compte de ce grand bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé. Et aussi, c'est une responsabilité auquel vous devez faire très attention. Parce que les générations sont sous votre responsabilité de faire une génération qui a une bonne aqida, qui a les comportements qui, dans l'origine, sont la parole d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, dont le comportement c'est la parole d'Allah, la mise en application de l'ordre d'Allah et le fait de s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Et ceci est un travail, est un noble travail, est un travail qui demande de votre part beaucoup d'efforts. Mais le résultat et les récompenses sont énormes chez Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez le changement que vous pouvez, que vous allez pouvoir provoquer dans une société pareille. En éduquant des enfants sur une aqida authentique, une aqida dont la source est la parole d'Allah et l'authentique de la sunna. Il faut aussi imaginer un petit peu les mérites des choses pour pouvoir les accomplir comme il se doit et aussi se doter de la meilleure des façons pour être digne de cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec laquelle il vous a comblé, frère en Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez autour de vous maintenant ce monde, comment il est en trouble, comment les gens sont téléguidés par n'importe qui, par n'importe quoi. Hein? Et vous avez la responsabilité d'avoir l'éducation d'une génération qui ne sera téléguidée que par la parole d'Allah Il parle authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhi. Et ceci, c'est énorme. Parce que cela, c'est à partir de là que proviendra le changement. Le réel changement, le réel amendement ne viendra que par cette voie-là. C'est cette voie-là qui va prévaloir à la communauté, la suprématie, les honneurs et de sortir des ténèbres dans lesquelles baignent beaucoup de gens. Obligé, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on regarde ce grand bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous a comblé. Vu que le Coran est la parole d'Allah et la plus véridique des paroles, c'est la parole du souverain subhanahu wa ta'ala, il nous incombe de s'en occuper d'une façon particulière, que ce soit au niveau de la récitation, que ce soit au niveau de la compréhension, que ce soit au niveau de la mise en application, et où c'est notre devoir. Et regardez, les gens qui ont pris l'indépendance par rapport au Coran, regardez ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe dans la ville de Dakar ou ailleurs, regardez, qu'est-ce qui les fait agir ainsi? Parce qu'ils ne se sont pas conformés à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne se sont pas conformés aux enseignements du Coran. C'est pour ça qu'ils sont maintenant la base de quoi? Des troubles, la base de l'anarchie, la base du fait de détruire les biens publics et les biens privés. La base pour que des femmes soient violées, pour que des jeunes filles soient violées, et ainsi de suite. La base pour que les militaires soient obligés de leur tirer dessus. Tout ça, pourquoi? Le fait d'être en divergence avec la parole d'Allah, le fait d'être en divergence avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. N'est-il pas dit dans le Coran, « Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasoula wa ulil amri minkum » Il est bien stipulé dans le Coran que dans la traduction approximative du sens du verset, nous devons obéir, ou vous qui avez cru, vous devez obéir à Allah et à son messager et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. On leur obéit dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu un gouverneur ordonner aux gens de désobéir à Allah. Et donc, toute cette anarchie n'a pas lieu à être. Si on était doué de raison, et si on était, doué de raison, et si on mettait en application, on comprenait ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, et où se trouve notre réel salut et notre réel succès. Une fourmi est mieux que nous. Méditez. Une fourmi est mieux que beaucoup parmi ceux qui créent l'anarchie dans les pays et sur terre, et qui envoient leurs frères et leurs sœurs dans la gueule du loup. La fourmi a dit, comme il est dit dans le Coran, « قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون » Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, une fourmi leur a dit à sa tribu de fourmis, « Regagnez vos nids, car Suleiman et ses armées risquent par inadvertance de vous écraser. » Mais cela, ils appellent les gens à sortir et à se mettre, comme des chairs à canon, à les envoyer dans la gueule du loup. La fourmi a averti son peuple et les siens pour que Suleiman ne les écrase pas par inadvertance. Là, ceux-là, nos contemporains, ils appellent leurs frères à s'envoyer dans la gueule du loup et aller vers leur destruction et la destruction de leur pays et la création de l'anarchie et la création de l'insécurité. Ils les appellent à ça. Et regardez la différence. Comme il a dit Ibn Badis, rahimahullah ta'ala, il a dit, en parlant de ce verset, il a dit, la fourmi est mieux que beaucoup parmi eux. Parce que la fourmi a fait attention à son peuple. Et ceux-là, ils font pas attention. Ils voient que leurs intérêts. Sallallahu alayhi wa sallam, Rabbul Arsh al-Azim, nufiqihna wa iyaakum fi din, wa yutabbitna wa iyaakum ala al-haqq hatta nalqah. Falitmi'nan wa salama fi itiba'i كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم ومنهج صحابة رسول الله. La quiétude, la sérénité, la stabilité, le bonheur dans ce bas monde et dans le delà, il est suspendu au fait de mettre en application la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la voie et la compréhension du pieux prédicateur d'Allah alayhi. فمن حق القرآن علينا أخوة الإسلام من حق القرآن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتدبروه وأن يفهموه إذا قرأوه أو استمعوا له. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: كتاب مبارك. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. قال رحمه الله: وهو أحق أن يسمى مباركا من كل شيء لكثرة خيره ومنافعه ووجوه البركة فيه. والرب تعالى يقال في حقه تبارك ولا يقال مبارك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله في العذب المنير: إن هذا الكتاب مبارك، أي كثير البركات والخيرات، فمن تعلمه وعمل به غمرته الخيرات في الدنيا والآخرة، لأن ما سماه الله مباركا فهو كثير البركات والخيرات قطعا. قال رحمه الله: وكان بعض علماء التفسير يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا، تصديقا لقوله: كتاب أنزلناه مبارك، ونرجو أن يكون لنا مثل ذلك في الآخرة، تصديقا لقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وهذا الكتاب المبارك لا ييسر الله للعمل به إلا الناس الطيبين المباركين، فإنه كثير البركات والخيرات، لأنه كلام رب العالمين. انتهى كلام الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله. وقال: وأنكر الله سبحانه وتعالى على الذين لا يتدبرون القرآن، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. قال السعدي رحمه الله: فإنهم لو تدبروا القرآن لدلهم على كل خير، ولحذرهم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية، ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها، والطريق الموصلة إلى العذاب، وبأي شيء يحذر، ولعرفهم بربهم وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولشوقهم إلى الثواب الجزيل، ورهبهم من العقاب الوبيل. وقال عند قوله: أم على قلوب أقفالها، أي قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت فلا يدخلها خيرا أبدا. وقال: وهذا هو الواقع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. ومدح الله سبحانه وتعالى الجن وأثنى عليهم في استماعهم للقرآن وفهمهم له، فقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. تأمل أخ الإسلام، سمعوا القرآن أول مرة، تدبروه فهموه، دعوا إليه، ها؟ وأثنى الله سبحانه وتعالى كذلك على عباده الصالحين الذين يفهمون ويتدبرون القرآن إذا قرأوه أو استمعوا له. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. وقال سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى في وصف المؤمنين الصادقين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال الله سبحانه وتعالى للغوات القرآن sont nombreux sur la communauté. Fait partie des droits du Coran, c'est le fait de le méditer, de le comprendre quand on le lit et quand on l'entend, comme cela est stipulé dans la traduction approximative du sens du verset. Ceci est un livre béni qui contient énormément de biens que nous t'avons révélés, afin que les hommes méditent sur ces versets et que ceux qui sont doués de raison en tirent une exhortation. Ibn al-Qayyim rahimahullah, dont Jala al-Afham a dit, concernant cette description par le terme Mubarak, qui veut dire qui contient toutes sortes de biens. Et il a dit, le Coran mérite d'être nommé ainsi Mubarak, car son bien est immense, ainsi que ses bienfaits. Fin des paroles d'Ibn al-Qayyim. Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui ne méditent pas le Coran. Dans le verset, dont la traduction approximative nous dit cela, ne méditent-ils pas sur le Coran? Ils ont plutôt sur leur cœur des cadenas. Sa'di rahimahullah a dit ce verset. Il a dit concernant ce verset, s'ils avaient médité sur le Coran, ils les auraient travers tous les biens. Il les avertira contre tout mal. Emplira leur cœur de foi et leurs esprits de certitude. Il les conduira vers les nobles buts. Il leur clarifiera le chemin qui mène vers Allah et vers son paradis. Il leur clarifiera le chemin qui mène vers le châtiment et comment l'éviter. Il leur fera connaître leur souverain de par ses noms, de par ses attributs. Il leur fera connaître ses grâces. Il les motivera à chercher ses récompenses et leur fera peur de son châtiment. Et concernant, ils ont plutôt sur leur cœur des cadenas. Il a dit, rahimahullah, leur cœur renferme le mal qu'il contient et le bien ne pourra jamais y accéder. Et il a dit, rahimahullah, et ça c'est la réalité. Fin des paroles de Sa'di, rahimahullah. L'imam Shalqit, rahimahullah, dans l'Adl Munir, a dit, concernant le Coran, il a dit, les biens de ce livre sont immenses. Celui qui l'apprend et le met en application, il sera couvert de biens dans ce bas monde et dans le delà. Car Allah l'a qualifié de Mubarak, plein de bénédictions. Et il n'y a aucun doute qu'il contient beaucoup de biens. Certains savants du tafsir disaient, nous nous sommes occupés du Coran, ses bienfaits ont jailli sur nous dans ce bas monde. Car il est dit dans le verset, ceci est un livre béni que nous t'avons révélé. Et nous espérons avoir la même chose, sinon plus dans le delà. Car le verset dit, ce livre que nous t'avons révélé est béni. Ce livre, dit Shalqit rahimahullah, est plein de biens. Sa mise en application n'est facilitée que pour les bons, les bénis, car il est plein de biens et plein de bénédictions, et c'est la parole du souverain du monde, Azza wa Jal. Fin de citation des paroles de Imam Shalqit rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges des jinn quand ils ont écouté le Coran ils l'ont compris et mis en application. Une fois, en une assise, regarde l'impact que le Coran a, eu sur le jeune, en une assise. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, dit, ô Muhammad, il m'a été révélé qu'un groupe de jeunes ont écouté la récitation du Coran, et ils ont dit ensuite à leur peuple, nous avons entendu la lecture d'un livre merveilleux qui guide vers la droiture. Nous y avons cru. Nous ne donnerons jamais plus d'associés à notre Seigneur. Regarde l'impact. Ils ne donneront plus jamais d'associés à notre Seigneur. Mais dites aussi, dans l'autre verset, comment tout de suite, une fois qu'ils ont compris, ils sont allés appeler leur peuple à ce grand bienfait qu'ils ont compris. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, mentionne ce groupe de jeunes que nous avons dirigé vers toi pour qu'ils écoutent le Coran. Lorsqu'ils ont assisté à sa lecture, ils se sont dit les uns aux autres, observez le silence. Les jeunes, ils disent observez le silence. Maintenant, la personne monte dans la voiture, il met du Coran et ça discute derrière. Regardez le jeune. Observez le silence et écoutez attentivement. Et quand la lecture est terminée, ils retournent vers leur peuple pour les avertir. Ils leur ont dit, ô notre peuple, nous venons d'entendre la lecture d'un livre révélé après Moussa qui confirme les livres qui l'ont précédé et guide vers la vérité, vers la voie droite. Ô notre peuple, répondez au messager qui appelle à Allah et croyez en lui. Il vous pardonnera une partie de vos péchés. Il vous sauvera d'un châtiment douloureux. Quiconque ne répond pas au messager qui appelle à Allah ne sera échappé au pouvoir d'Allah sur terre et il n'aura en dehors de lui aucun protecteur. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. Regardez cet impact qu'il a eu sur le jeune. Et comment tout de suite ils sont devenus des prêcheurs vers le monothéisme, vers la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, vers le fait de suivre le messager alayhi salatu wassalam. Frère en Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons bien méditer quand on lit et méditer ce genre d'impact qu'il y a eu sur les jeunes, qui ont écouté en une assise le Coran, et après ils l'ont compris et ils l'ont mis tout de suite en application. Et ils ne se sont pas arrêtés au fait de le mettre en application en eux-mêmes. Ils ont appelé les autres. Ils ont appelé les autres à croire en ce Coran et en ce qu'il contient. Allah Azza wa Jal a aussi fait les éloges des soumis vertueux, des croyants vertueux, qui comprennent et méditent le Coran. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, lorsqu'ils entendent ce qui t'a été révélé, ô messager, ce qui t'a été révélé au Mohammed, tu vois leurs yeux débordés de larmes. En raison de la vérité qu'ils y reconnaissent, ils ont dit, Seigneur, nous croyons, inscris-nous au nombre des témoins. Pourquoi on ne va pas croire en Allah et en ce qui nous est parvenu de la vérité? Ils n'ont pas désiré que notre Seigneur nous fasse entrer au paradis avec les vertueux. En récompense de ce qu'ils ont dit, Allah leur a accordé des jardins sur lesquels coulent des rivières où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Et voici un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les qualités de ses soumis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'être comme eux. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, ceux que lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne les ignorent pas, comme s'ils étaient sourds et aveugles. Allah a qualifié les croyants véridiques par ces qualificatifs. Dans la traduction approximative du sens du verset, les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémit à la mention d'Allah, et dont la foi augmente lorsqu'on leur récite ces versets, ceux qui placent exclusivement leur confiance en leur Seigneur accomplissent la prière et dépensent dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala une partie de ce que nous leur avons attribué. Ceux-là sont les vrais croyants qui sont dans un rang élevé auprès de leur Seigneur et qui ont un pardon et une généreuse récompense que nous venons de voir. Hein, ce que nous venons de voir et d'entendre, hein, ce sont certaines qualités des croyants qui entendent le Coran, qui le comprennent, qui le mettent en application. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ces qualités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ces qualités. ذلك من حق القرآن على المسلمين أن يتمسكوا به ويعملوا بما جاء فيه فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالله عز وجل أمر في كتابه بالمحافظة على الصلاة، فعلى المسلمين أن يحافظوا على الصلاة، على إقامة الصلاة، ليس فقط الصلاة لكن إقامتها الذي تتطلب الإقامة الداخلية والخارجية ظاهرا وباطنا. وأمر بالزكاة وأمر بالصيام وأمر بصلة الأرحام. وفي القرآن بين الله سبحانه وتعالى لنا طريق الجنة وحذرنا من طريق النار وطريق الشيطان وسبل الشيطان. وما من حرام إلا أمرنا أن نبتعد عنه. أما حرم الله الربا في القرآن؟ أما حرم الله سبحانه وتعالى الزنا في القرآن؟ أما حرم الله عز وجل التبرج في القرآن؟ فما حرم الله سبحانه وتعالى الغيبة والنميمة في القرآن؟ أما أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل؟ فمن حق القرآن على المسلمين أن يعملوا بما فيه فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait partie aussi des droits du Coran sur la communauté, c'est que la communauté doit se cramponner à ce Coran et le mettre en application, car les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce niveau sont très clairs. Regardez cet ordre qu'il a émis à son messager alayhi salatu wassalam dans cette traduction approximative du sens du verset. Et l'ordre, il est à la communauté aussi. Attache-toi fermement à ce qui t'a été révélé, car tu suis une voie droite. Le Coran est un honneur pour toi et ton peuple. Vous serez interrogé à son sujet. Hein, on sera interrogé au sujet du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran de préserver la prière. De préserver la prière. La préservation de la prière se fait par deux sortes. Il n'est pas demandé de prier, il est demandé d'accomplir la prière. Un accomplissement intérieur et un accomplissement dans l'apparence. Ramener les gestes comme il se doit et l'intérieur avec une concentration sur ce qu'on dit, une méditation sur ce qu'on dit, hein, une présence de l'esprit quand on est dans sa prière. Et pas demander tout simplement de prier. L'accomplissement de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il est obligatoire aux musulmans d'accomplir la prière. Et il leur a ordonné aussi de s'acquitter de la zakat, de jeûner. Et il leur a ordonné aussi le fait d'entretenir les relations familiales, d'ordonner le bien, de blâmer le mal. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré, clarifié le chemin vers le paradis. Il nous a avertis contre les sentiers qui mènent vers l'enfer et les sentiers d'Al Shaitan. Hein? Et tout ce qui est illicite, Allah nous a ordonné de s'en éloigner. N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'une façon claire dans le Coran les intérêts usuriers. Donc les musulmans doivent s'en éloigner. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans le Coran l'adultère. Donc les musulmans doivent s'en éloigner. Hein? Et maintenant dans certains pays comme le nôtre, où certains s'élèvent avec leur esprit pollué par la culture occidentale de dire il faut légiférer les rapports, hein, faire consentement mutuel. Zina. Hein? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit complètement. Alhamdulillah. Hada, le roi du Maroc a dit une parole lors d'un de ses discours cette année. Il a dit, je ne vais pas rendre illicite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala félicite. Et je ne vais pas non plus rendre licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait illicite. Et il a fermé la porte. Mais il n'arrête pas de brailler et de d'élever ses slogans à chaque fois qu'il sort dans les rues pour demander l'égalisation de l'adultère, l'aidan billah. Hein? Mais tout ça, c'est la pollution des esprits qui ont été pollués par l'Occident et par la culture occidentale. Et rien d'étonnant quand tu vois ces gens-là, qu'ils soient au Maghreb, ou qu'ils soient en Afrique, ou partout, tu vois que souvent, ils sont subventionnés par certaines chaînes de télé qui dépendent directement de l'ONU, et par certains organismes qui dépendent directement d'eux, de ces organismes qui veulent la destruction de l'islam et des mœurs musulmanes. Al-Iyadan Billah. Et ça, nous devons faire très attention à cela, parce que la da'wa de la débauche est énorme à travers le monde. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala interdit dans le Coran l'exhibition. Donc les musulmans doivent s'éloigner de l'exhibition et la délaisser. Et le devoir des musulmans, c'est le fait de mettre en application tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran. Exécuter ses ordres, s'abstenir de ce qu'il a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la médisance et le colportage. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le fait d'obéir au gouverneur dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui est dit du domaine des ordres, on le met en application. Et tout ce qui est selon nos capacités, et tout ce qui est interdit, on doit s'abstenir. Ça, il n'y a pas les capacités. S'abstenir. C'est interdit. Feu rouge. Pas de passage. Hein? On ne doit pas transgresser et dépasser les limites. وَمِنْ حَقِّ الْقُرْآنِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُتَاجِلُوا بِهِ مَعَ اللَّهِ فَهُوَ تِجَارَةٌ رَابِحَةٌ. القرآن تجارة رابحة. ولنتذكر موقف أبو طلحة عندما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ها؟ فقال الرسول ماذا؟ بخن. ها؟ فانظر أولئك الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتبعهم كيف كانوا يتاجلون بالقرآن ويتعاملون بالقرآن. قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ما هو المبتغى؟ تجارة لن تفسد أبدا، تجارة رابحة، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومن أرباح هذه التجارة كسب الحسنات، حسنات كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحديث صحيح. فتأمل لك في قراءة صفحة من صفحات القرآن المصحف الكريم فيها مئات الحروف بعشرات الحسنات لكل حرف. ها، انظر كم الحسنات تكتسب. ها، فأي عمل أفضل من هذا؟ عمل يسير وفضل عظيم. ها، تعرف عبادة أيسر من هذه بهذا الفضل العظيم؟ ها، فلا بد أن نتاجل بكلام ربنا سبحانه وتعالى، أنه تجارة رابحة، تجارة مع الله، تجارة رابحة. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إتم ولا قطع رحم. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال: فلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم ويقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وتلات خير له من تلات، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم والحديث صحيح. انظر، هذا تقريب للفهم. ها، الرسول صلى الله عليه وسلم حدث القوم بما يفهمون. ها، وهذا لك أن ترى كيف هذا الفضل العظيم في تعلم كتاب الله عز وجل وقراءته. Et parmi nos devoirs envers le Coran, c'est qu'on doit commercer avec Allah avec. Le Coran est un commerce bénéfique. Un commerce qui ne tarit pas. Un commerce qui draine de grands gains dans ce bas monde et dans le delà. Médite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette traduction approximative du sens du verset qui nous dit: ceux qui récitent et suivent le livre d'Allah accomplissent la prière et qui, en secret et en public, dépensent de ce que nous leur avons attribué dans l'espoir d'un commerce au profit intarissable, ceci afin qu'Allah leur accorde leur pleine récompense et y ajoute un surcroît de sa grâce. Il pardonne et il reconnaît un surcroît de sa grâce, il pardonne et il est reconnaissant. Et qu'on se rappelle le Attar, le hadith que nous avons passé au début, d'Abu Talha radiallahu anhu arda, quand il a entendu le verset, hein, vous n'allez pas atteindre le bien jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné sa ferme pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, parce qu'il a compris que là, c'est un commerce intarissable. Hein. Et les gains, les bénéfices du commerce, de ce commerce intarissable avec le Coran, sont énormes. C'est le gain des hasanat. Notre message, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique a dit, le hadith il est chez Tirmidhi, il est dans Sahih al-Jami', celui qui lit une seule lettre du Coran se voit inscrire une bonne action. Et la bonne action est multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim constituent une seule lettre, mais Alif est une lettre. Lam en est une autre. Et Mim est également une lettre. La médité, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, ce commerce intarissable. Si on lit une page du Coran où il y a des centaines de lettres, combien de milliers de hasanat on gagne? Quelle œuvre est mieux que celle-ci? Est-ce que tu connais, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, un acte d'adoration facile et à la portée de tout le monde qui a cette énorme récompense, comme la lecture du Coran? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala doit méditer aussi ce que notre messager a dit à ses nobles compagnons. Et l'exemple qu'il leur a donné pour que cela soit, pour qu'ils y comprennent bien de quoi il s'agit. Regardez, il a dit, alayhi salatu salam, qui parmi vous aimerait chaque matin aller al-Batha, un Wad Amidin, hein, ou al-Aqiq, un département, pour ramener deux belles chamelles, bien grasses, sans commettre de péché, ils sont coupés les liens familiaux. Ils ont dit, on aime cela, ya Rasulallah. Le messager a dit, alors il faut aller le matin à la mosquée, réciter deux versets du livre d'Allah, c'est mieux que deux chamelles, et trois versets c'est mieux que trois chamelles, et quatre versets c'est mieux que quatre chamelles, et de tout nombre de chameaux. Hein? Regardez ce gars, en allant à l'apprentissage du Coran, à la lecture du Coran, combien on gagne. Hein? Et ceci est énorme, nous devons prendre conscience de cela et donner de l'importance à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ne pas, hein, Et à la lire constamment. Et à la, il y a aussi, pour nous aider à bien comprendre et à méditer, on se penche sur les exégètes, hein, de nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim, comme celui de Sa'di, comme celui d'Ibn Kathir, hein. Et quand on n'a pas l'arabe, il faut qu'on s'attelle à apprendre la langue arabe. Parce que c'est le meilleur moyen pour aller directement à la parole des hommes de science. Il faut savoir, comme il a dit l'imam Sa'di rahimahullah, si on apprend l'arabe, et dont le but, c'est pour comprendre la religion d'Allah, pour comprendre la parole d'Allah, pour comprendre ce que veut de nous Allah et comprendre la sunna du prophète alayhi salam, on a pris un chemin vers le paradis. Hein? On a pris un chemin pour le paradis, ce chemin qu'a mentionné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit celui qui prend un chemin, hein, pour apprendre la science, il a pris un chemin vers le paradis. Ben, c'est la même chose, il a dit Sa'di rahimahullah. Et nous devons être conscients de ça. La langue arabe, c'est une grande clé qui va nous permettre quoi? D'écouter les grands savants et de ne pas se faire avoir par des minutes et des gens qui font rentrer leur raison là où il ne faut pas et des gens qui vont polluer notre esprit par leur diarrhée mentale, l'ayad al-billah, et qui vont nous envoyer vers la gueule du loup. Ah, regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez l'égarement dans lequel sont les gens. Et pourquoi? Parce qu'ils suivent les diarrhées mentales de certains. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est l'adhan, hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il faut voir nos intérêts, où est-ce qu'ils sont, et les priorités. Et comme je l'ai dit auparavant, vous devez vous atteler et faire beaucoup d'efforts. Vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a ouvert cette porte du bien avec cette mosquée, tous ces petits enfants sont sous votre responsabilité. Il faut que vous en fassiez avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala des hommes qui vont porter une aqida authentique, des hommes qui vont avoir le comportement de leur messager alayhi salatu wassalam, des gens qui dans le futur défendront la parole d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et la voix des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et ça, c'est une énorme récompense. Hein? Former une génération comme ça, c'est une énorme récompense à l'islam. Et ceci n'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose d'énorme que Allah subhanahu wa ta'ala vous offre. Hadi ni'ma kabira min Allah. Yajibu an tustaqbala bi shukrillah azza wa jal. Yanna huwa al-qa'il la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. La reconnaissance, c'est pas tout simplement de dire alhamdulillah. C'est d'accomplir taqwa et d'accomplir ce bienfait dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré. L'utiliser comme il le veut subhanahu wa ta'ala. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam, Rabbil Arsh al-Azim, an yarzuqna wa iyyakum al-fiqha fi d-din. Wa kadhalika min nata'iji tijarati bil-Qur'an fi l-akhira الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأفضل العلم وأساسه كلام ربنا سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والحديث رواه مسلم. ذكر ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية أن الإمام أحمد رحمه الله روى عن أبي الطفيل عامر بن وائل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان وكان عمر استعمله على مكة، كان عاملا له على مكة، فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم بن أبزى. قال ومن ابن أبزى؟ فقال رجل من موالينا. فقال عمر استخلفت عليهم مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض. فقال عمر أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وتأمل عمر بن الخطاب كيف وقف عنه، ما قال لماذا بعد، خلاص انتهى الأمر، أتى الأمر، بين لأن الرجل عنده علم بالكتاب حافظ لكتاب الله، عالم بالموارد بعلم الموارد قاض خلاص توقف عمر ولم يقل يزيد شيئا لأن الرجل خلف وراءه من يستحق أن يخلفه في أهل مكة ها؟ وهذا يبين لنا لماذا هؤلاء الصحب الكرام كيف كانوا مع القرآن الكريم وكيف كانوا يعظمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا اختارهم الله لصحبة نبيه ولنصرة هذا الدين رضي الله عنهم ولهذا يجتهد أهل الملل كلها لكي يحرفوا لأمة الإسلام عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وأبو هريرة رضوان الله عليهم أجمعين لا يكلون عن ذلك يعلمون لأن الربح كله والنجاح كله والشرف كله والعزة كلها في طريق هؤلاء الكرام ويقول صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا عند الإمام مسلم وهذه رفعة لحامل القرآن وإن كان صبيا فهو الذي يأم القوم عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال لما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبذر أبي وقومي بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين رواه البخاري هذه رفعة القرآن ستة وسبع سنين وكان يأم قبيلة كلها رضي الله عنهم وأرضاهم parmi les gains du Coran c'est l'élévation dans ce bas-monde et dans le delà être élevé dans ce bas-monde et être élevé dans le delà hein Regarde, dans le verset cité ici, dans la traduction approximative, nous dit cela. Allah élève en degré ceux parmi vous qui croient et ceux qui ont reçu la science. Allah connaît parfaitement vos agissements. Le Coran, l'Islam, c'est la base de la science. C'est la meilleure de la science. C'est la source de la science bénéfique. Hein? Et dans le hadith rapporté par Muslim, le messager a dit, alayhi salatu wassalam, Allah élève par ce livre certaines personnes et on rabaissera d'autres. Certains, il va les élever avec parce qu'ils le mettent en application et d'autres, il va les rabaisser parce qu'ils ne lui donnent pas d'importance. Ibn Kathir, rahimahullah, a cité dans l'interprétation de ce verset dont que l'imam Ahmed rapporte d'Abi Tufayl Amir ibn Wa'ila que Nafi ibn Abd al-Harith a rencontré Omar à Asafan. Asafan qui se trouve entre Jeddah et la Mecque. Alors que Nafi ibn Abd al-Harith était le préfet de Omar radiallahu anhu arda sur la Mecque. Et quand il l'a rencontré là-bas, Omar l'interrogea. Qui t'a remplacé? Qui tu as laissé comme remplaçant sur les habitants de la Mecque? نافع بن عبد الحارث لو يدي بن أبزة عمر لو يدي كي سي بن أبزة نافع دو ريبوندر أن دو نو سيرفيتور عمر سيتونا يدي tu as laissé comme remplaçant pour te remplacer un serviteur نافع بن عبد الحارث lui a répondu au prince des croyants c'est un mémorisateur du Coran C'est un mémorisateur du livre d'Allah. Et un savant en la matière de la science de l'héritage. Et c'est un juge. Omar a dit, votre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah élèvera par ce livre certaines personnes et on rabaissera d'autres. Mais dites maintenant Omar ibn al-Khattab, Quand il a entendu la parole de Harith et les qualités de cet homme qui est le serviteur, hein, de نافع بن عبد الحارث. Est-ce qu'après il a dit quelque chose? Fini. خلاص. Il a su que son préfet a mis l'homme qui convient à la place. Il a mis à sa place l'homme qui convient à la situation. Et c'est ainsi qu'étaient les nobles compagnons d'Allah alim avec la parole d'Allah et l'authentique de la Sunna. Ils donnaient l'importance. Et ils s'arrêtaient là où ça les arrête. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala j'ai choisi pour qu'il soit notre modèle. Il n'y a pas un chemin d'honneur ou un chemin de puissance et de suprématie que celui-là. C'est pour ça que les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala ont compris cela. Et beaucoup de musulmans ne l'ont pas compris. C'est pour ça qu'ils combattent par tous les moyens pour éloigner la communauté de la voie d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, de Muawiyah et de tous les autres nobles compagnons. Et ça, beaucoup d'ennemis d'Allah l'ont compris. Et beaucoup de musulmans ne l'ont pas encore compris. Donc il faut accorder une grande importance à la parole d'Allah par son apprentissage, par sa récitation, sa compréhension, sa mise en pratique. Celui qui s'accroche à ce livre sera bien heureux. Quant à celui qui le délaisse, l'affection s'emparera de lui ici-bas et dans le-delà. Dans le hadith chez Muslim, le messager d'Allah a dit « Celui qui dirige la prière pour les gens doit être celui qui a plus de Coran parmi eux. » Et ceci, frère d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est une élévation dans ce bas monde. Même si celui qui a le plus de Coran dans le village où on se trouve est le plus jeune parmi eux, ou le plus pauvre, c'est lui qui doit être mis en avant. Et ça, c'est la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée par le biais de son messager, alayhi salatu wassalam. Dans l'authentique de Bukhari, selon Amr ibn Salama, qui a dit, Amr ibn Salama, radiyallahu anhu wa Allah, qui a dit, quand il y a eu la conquête de la Mecque, toutes les tribus se sont dépêchées à la Mecque pour se convertir et attester de leur soumission. Et mon père, ainsi que mon peuple, se sont dépêchés aussi. Et quand mon père est revenu, il a dit, je viens de chez un prophète véridique, qui a dit, priez-t-on à telle heure, et priez-t-on à telle heure, et quand arrive l'heure de la prière, quelqu'un parmi vous fait la dame, et présidera la prière, celui qui mémorise plus de Coran parmi vous. Ils se sont regardés entre eux, et ils ont vu que le seul qui avait plus de Coran, c'était Omar, Amr ibn Salama. Il a dit, j'étais celui qui avait le plus de Coran, alors que j'avais que 6 ou 7 ans. Pourquoi il avait le plus de Coran? Parce qu'il sortait à la rencontre des caravanes qui revenaient de Médine. Et il apprenait d'eux. Toutes les caravanes qui passaient, il s'arrêtait devant eux, il apprenait ce qu'ils ont appris du messager, alayhi salatu wassalam. Maintenant, regarde l'ambition de ce petit garçon de 6-7 ans et compare là avec l'ambition de nos jeunes. Je ne dis pas de nos garçons, je dis de nos jeunes. Regardez la différence. Hada, il sort à la rencontre des caravanes pour apprendre la parole d'Allah. Et maintenant, l'ambition de nos petits jeunes, c'est quand est-ce que j'aurai mon iPhone? Quand est-ce que je hais et j'en passe? On arrête là, inshallah. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.